Du conseil municipal en vous rappelant la nécessité de porter un masque dans cette enceinte pour éviter ce qui s'est passé à Saint-Denis. Donc je vais procéder à l'appel nominal. Tony Di Martino, présent. Olivier Taravella, présent. Elham Chahir, présent. Édouard de Noël, présent. Émilie Trigo, présent. Jean-Claude Oliva, présent. John G. Biro, présent. Cédric Pape, présent. Yasmina Sadoud, présent. Shawki Haddad, Edith Félix a donné pouvoir à Mariem Diop, Brahim Akrour, Merlan Georges, Grégoire de la Gannerie, Anne Gerval, Brigitte de la Perelle, Daouda Keïta, Valérie Bille, Yalana Dino, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy a donné pouvoir à Édouard de Noël, Frédéric Gabin, Vincent Doucissé, Mariem Diop, présent. Kaline Tribic, Abid Chahir, présent. Karamoko Sissoko, Mamadou Sila a donné pouvoir à Olivier Taravella, Manon Chrétien, Hissène Ounissi, présent. Zora Kelly, présent. Mohamed Jenan, présent. Sébastien Stalens, présent. Pierre Vionnet a donné pouvoir à Madame Desbordes Silly, Laurent Jamais, Madame Desbordes Silly, Madame Garrido a donné pouvoir à Monsieur Stalens et Madame Claire Laurence. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Zora Kelly, qui est favorable. Qui s'abstient, qui est contre, je vous remercie. Nous n'avons reçu aucune demande de prise de parole dans les délais, mais nous avons reçu une demande de prise de parole du POID concernant les ouvertures et fermetures de classes. Donc nous aurons l'occasion de vous donner la parole au Conseil municipal du 23 juillet sur ce même sujet qui nous préoccupe tous. Un point d'information préalable avant de démarrer cet ordre du jour. Vous avez constaté, tout comme nous, que l'entreprise Brésillon, mandaté par Paris Habitat, a procédé à l'abattage d'un cèdre au 89 rue Sadi Carnot. Ça résonne un petit peu. Abattage qui est intervenu malgré mon opposition et celle de la ville. Donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec Paris Habitat. Deux arrêtés ont été notifiés dans la journée, un arrêté d'interruption du chantier et un arrêté de suspension de l'autorisation d'occupation du domaine public. Donc nous aurons l'occasion de rencontrer dans les prochains jours Paris Habitat afin de déterminer les modalités de compensation et d'indemnisation de la ville suite à l'abattage de ce cèdre. Et en parallèle, la municipalité, sous l'égide d'Édouard de Noël et Jean-Claude Oliva, va s'attacher à travailler sur le recensement des arbres remarquables de la ville et à leur protection. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction de cette séance. Délibération numéro 1, approbation du compte de gestion. Donc il s'agit d'une délibération classique qui intervient avant. Hein. Je rappelle que pour les néophytes, que le compte administratif et le compte de gestion doivent être normalement approuvés avant le 30 juin de l'année, que compte tenu de l'état d'urgence sanitaire, ces délais ont été prorogés. Donc il s'agit de constater la conformité des comptes tenus par le comptable du Trésor avec les comptes de la ville. Donc voilà. Est-ce que vous avez des observations sur cette délibération ? Pas d'observation. Je vous propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Je vous remercie. Délibération 2, approbation du compte administratif 2019. Olivier Taravella. Bonsoir à tous. Donc le compte administratif 2019, donc là aussi pour les nouveaux élus, il s'agit du document qui retrace l'exécution effective du budget, à la fois en recettes et en dépenses, en fonctionnement comme en investissement. C'est un document qui est établi par la ville et qui est doublé du compte de gestion qui, lui, est établi par le Trésor public, puisqu'il y a une séparation entre l'ordonnateur des recettes et des dépenses, qui est la ville, et le payeur, qui est l'État, via le Trésor public. Donc, le compte administratif 2019, avant toute chose, est un compte administratif excédentaire. Il est important de le préciser parce que lors des débats qui ont pu avoir lieu dans la campagne électorale, certains ont pu mettre en avant le fait que la ville de Bagnolet aurait une situation financière qui se serait à nouveau dégradée et que, en réalité, il y avait un trou dans la caisse qui était caché. La démonstration est faite avec ce compte administratif, donc validé par l'État, que non seulement il est excédentaire, mais qu'il est excédentaire et en fonctionnement d'un 1 113 000 euros et en investissement de 5 491 000 euros, ce qui fait, avec les restes à réaliser et les reports, un solde positif d'exécution de 4 541 697 euros. Ça, c'est le premier élément, je pense, qu'il fallait signaler. Le deuxième élément qu'il faut signaler, c'est que c'est un compte administratif qui retrace, comme depuis le début du mandat précédent, un volume d'investissement extrêmement fort, en particulier sur le renouvellement urbain. Durant le précédent mandat, 75 millions d'euros ont été dédiés à l'investissement. Sur ces 75 millions d'euros, près de 30 millions d'euros, 26,7 millions d'euros, ont été dédiés au financement de la rénovation urbaine de Lannou et des Malassis, dont le dernier exercice d'engagement sera l'exercice 2020, puisque l'ensemble des opérations de la phase 1 de la rénovation urbaine doivent être livrées avant le 31 décembre 2020. Elles le seront d'ailleurs, puisqu'elles sont prévues pour les dernières des espaces publics de la dalle de Lannou et de la crèche de Folletti du mois de novembre 2020. Nous avons, sur l'exercice 2020 également, sur l'exercice 2019, pardon, pour la première fois depuis 2006, une diminution de la dette de la ville, puisque la dette de la ville au 31 décembre 2018 s'élevait à 148 millions d'euros et qu'elle s'élève à 144 millions d'euros au 31 décembre 2019. Évidemment, étant donné le niveau de la dette, il n'est pas question de se réjouir. C'est simplement la traduction que, malgré un niveau d'investissement fort, les efforts qui ont été mis en œuvre permettent de stabiliser son évolution dans le temps. Et ça, c'est l'élément qui est l'élément le plus important si on veut être en capacité d'assurer le portage d'un volume d'investissement important. Quelques éléments toujours sur la dette. D'abord, sur la capacité de désendettement. En 2014, la capacité de désendettement de la ville était de 407 ans. Elle est passée progressivement sur un rythme plus proche de ce qui est prévu par les textes, puisqu'on est sur des ratios positifs quand on est autour de 12 ans. Nous sommes en 2019 à 30 ans. Bien sûr, on est toujours largement au-dessus de 12 ans, mais on est passé de 407 ans à 30 ans entre 2014 et 2020. Autre élément également à signaler sur cet exercice, quelques dépenses exceptionnelles qui ont pu également minorer le résultat. D'abord, la ville a été sollicitée par l'EHPAD des Floralies pour intervenir, pour fournir les repas, parce que l'EHPAD des Floralies, réalisant des travaux très lourds, comme chacun a pu le constater, leur cuisine centrale a été suspendue pendant près de 9 mois. La ville a fourni les repas aux Floralies dans cette période, ce qui a un impact évidemment sur les dépenses, qui est compensé en très grande partie par les recettes. Là où je souhaite vous le signaler, c'est que la ville a dû solliciter de la préfecture l'acceptation que ces dépenses exceptionnelles nouvelles ne soient pas retenues dans le surplus de dépenses qui dépasserait, vous savez, la trajectoire de respect de la contractualisation avec l'État, qui implique que nous ne dépassions pas une évolution de dépenses de plus de 1,5% par an. Je crois que nous sommes unanimement dans cette salle opposés à ce principe de la contractualisation. Toujours est-il qu'on est évidemment contraint de le respecter, puisqu'autrement, la ville est tenue de payer une pénalité financière qui correspond au delta entre ce que l'on a effectivement réalisé et ce que l'on aurait dû respecter. Autre élément également, les résolutions sur les questions des commissions liées aux emprunts Deutsche Bank, ceux qui ont siégé dans le précédent mandat connaissent bien ce dossier, donc je ne vais pas le développer. Et ensuite, je laisserai plutôt aux questions-réponses le temps qui, euh, qui, euh, pour, pour répondre à vos demandes de précision. Nous avons essayé autant que possible, là aussi pour nous conformer aux recommandations de la Chambre régionale des comptes, de bien préciser pour l'ensemble des fonctions et des services de la ville, à la fois évidemment les réalisations de dépenses et de recettes, mais également des éléments qualitatifs. C'est le cas par exemple sur la direction de l'enfance et de l'éducation. Nous avons apporté des éléments de précision sur la fréquentation, à la fois pour les centres de loisirs, les centres de vacances, les classes de découverte. Et nous avons cherché sur l'ensemble de ces fonctions à apporter ces éléments complémentaires, toujours dans la logique d'améliorer évidemment la qualité de l'information budgétaire et comptable des conseillers municipaux. Voilà ce que je peux vous dire pour le compte administratif 2019, qui est donc un compte excédentaire et dont l'excédent sera repris au budget primitif 2020. Merci Olivier. Des remarques, Monsieur Jamais. Oui, chers collègues. Impossible pour nous d'évoquer le compte administratif 2019 sans évoquer ce que nous considérons comme une incroyable vacance de réunion municipale. Il n'y a pas eu de réunion de ce conseil, hormis évidemment le précédent, mais qui était particulier, depuis décembre 2019. Bien entendu, il y a eu l'élection municipale, il y a eu la crise du Covid, mais quand on regarde l'ensemble des collectivités, en tout cas ça ne peut pas expliquer puisqu'une majorité de collectivités ne se sont pas trouvées dans la situation de Bagnolet. Nous allons donc dans un marathon évoquer en quelques semaines le compte administratif 2019, le rapport d'orientation budgétaire et le budget. C'est une assez triste conception de la démocratie, de la conception du rapport à la population et je pense du rôle des élus, étant entendu en plus que cette séance est particulière puisque c'est la première avec des nouveaux collègues. Mais je crois que la vérité peut être ailleurs, parce que je crois qu'un certain nombre d'éléments qui sont dans les documents ce soir et que vous n'avez pas forcément dévoilés auraient pu polluer l'élection municipale. Sans compter, par ailleurs, que les documents qui nous parviennent étaient incomplets, et c'est hier soir que nous avons par mail, je ne me souviens plus de l'heure exacte, mais un certain nombre d'éléments, notamment sur des questions quand même qui sont importantes, c'est celles relatives à la dette. Alors, les enseignements que nous tirons de l'exécution budgétaire, bah d'abord, vous l'avez dit, vous ne respectez pas la contractualisation avec l'État, ce que nous avions combattu, votant contre cette proposition en son temps. Vous nous dites avoir demandé. C'est peut-être, j'ai qu'une seule question dans mon intervention, c'est celle-là. Vous nous dites avoir demandé de retrancher deux sommes, celle de la fabrication de repas pour les Floralis. C'est assez cocasse quand on sait quelle a été l'aventure de ce dossier, puisque vous omettez de nous dire que ce contrat a pris prématurément fin et a été dénoncé par l'EHPAD, et de retrancher également les commissions des emprunts Deutsche Bank. Et je crois qu'on ne cessera de revenir, si ce n'est ce soir, mais à différentes reprises dans ce mandat, sur ce dossier. Par contre, votre intervention et puis le document ne fait pas état des réponses de l'État à cette demande. Et on aimerait savoir si, effectivement, cette demande de retranchement a été acceptée ou pas. Alors, ce qui laisse apparaître votre document, c'est des dépenses qui augmentent plus vite que les recettes. Ces dernières, les recettes, ont bien souvent un caractère extrêmement conjoncturel et sont dopées particulièrement par l'augmentation violente des impôts en 2017. Avec, notamment, également, une augmentation de la masse salariale qui est très importante en 2019 et un intérêt de la dette qui augmente de 1,5 million d'euros. Évidemment, tout cela obère la capacité d'autofinancement de la ville de Bagnolet. Je crois qu'on peut craindre le pire sur le document du Conseil administratif 2020 que nous verrons, si mes souvenirs sont bons, en fin d'année. Concernant l'emprunt, nous avons demandé de recevoir les documents conformément à la bonne information du CM et des élus. C'est une des remarques de la CRC que nous évoquerons plus tard dans ce Conseil. Je l'ai évoqué tout à l'heure en préambule, mais c'est pas rien que des élus, notamment d'opposition, travaillent sur des documents qui sont incomplets, et je l'ai dit aussi, surtout sur une question aussi importante. Ce que nous pouvons lire désormais, c'est que l'encours de la dette augmente avec 7,5 millions d'emprunts et 7,3 millions de remboursements. Le risque majeur pour nous réside évidemment dans le prêt Deutsche Bank. Nous devons rembourser 30 millions d'euros dans moins de 30 ans, alors que nos provisions sont inférieures à 1,5 million d'euros. Enfin, toujours dans le chapitre de l'opacité, et pour reprendre une remarque de la CRC sur le manque de rigueur de la municipalité, un certain nombre de factures oubliées, il nous est impossible de vérifier que l'ensemble des factures sont bien attachées. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre ce compte administratif. Quelques remarques avant de céder la parole à ceux qui, ou celles qui voudront bien la prendre. Je rappelle une chose, le compte administratif présente un excédent en fonctionnement de plus de 1 million d'euros. Je rappelle que le compte administratif 2018, qui a été présenté l'an dernier, présentait un excédent d'environ 70 ou 74 000 euros. Et à l'époque, l'opposition nous disait que c'était l'épaisseur du trait et que nous courions à la catastrophe dans le cadre de l'examen prochain du compte administratif 2019. Donc force est de constater que ça n'est pas le cas. Vous nous promettez le pire pour le compte administratif 2020, nous verrons bien. Mais l'excédent était de 74 000 euros sur 2018, il est de plus de 1 million d'euros sur 2019 en fonctionnement. Une remarque sur les conseils municipaux, effectivement, certains conseils municipaux dans le département se sont réunis, d'autres ne se sont pas réunis. Je ne remuerai pas le couteau dans la plaie, mais si ma mémoire est bonne, ma collègue d'Aubervilliers, à l'époque en fonction, a souhaité convoquer au mois de mars un conseil municipal en visioconférence pour examiner le vote du budget et le vote des subventions aux associations. Et devant la levée de boucliers des groupes d'opposition, elle a été amenée à annuler cette visioconférence pour examiner le vote du budget et le vote des subventions aux associations. Si j'avais convoqué un tel conseil municipal dans ces conditions-là, je n'ose imaginer quelles auraient pu être vos remarques. Voilà, donc le choix a été fait et c'est ainsi que ça s'est produit. Est-ce que vous avez d'autres remarques ? Céder la présidence à Olivier Tarabella et me déporter comme le prévoit la... Bien, donc, est-ce que sur ce compte administratif, il y a des explications de vote des groupes en complément des interventions de M. Jamais ? On a trois questions en attente de l'État. La première porte sur la question, mais j'en parlerai plutôt tout à l'heure, de la prise en compte comptable justement des provisions sur les emprunts de Deutsche Bank, sur lequel on a une demande qui a désormais 18 mois à la DGFiP et qui est en attente de réponse. Mais la ville est zélée sur ce sujet. Le problème, c'est que l'État ne nous offre pas de solution. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, sur le cas du retranchement, effectivement, il y a une attente d'une réponse définitive de l'État, même si le gouvernement ayant annoncé que le dispositif de pénalité serait suspendu pour 2020, on peut estimer qu'il y aura probablement une réponse qui sera à peu près conforme à cet état d'esprit. Et enfin, je reviens sur ce que vous évoquiez tout à l'heure sur les éléments incomplets. Évidemment, je serai dans votre position, dans l'opposition, j'aurais fait la même remarque, et c'est légitime. Après, il faut aussi limiter quand même la portée de cette remarque. Les éléments sur la dette, ce n'est pas péjoratif, les éléments sur la dette étaient quand même contenus à la fois dans la compte administratif et dans les orientations budgétaires. Le seul document qui a été écrasé au moment de l'émission de la maquette, malheureusement, et qui vous a été transféré plus tard, c'est la liste précise de chaque emprunt avec évidemment leur taux, leur durée de vie, etc., qui sont évidemment des éléments nécessaires et utiles, mais je ne pense pas que, en l'occurrence, la bonne information des conseils municipaux sur la question de l'état de la dette a été impactée, d'autant que nous en avons largement discuté dans le précédent mandat, à la fois sur la suppression des emprunts toxiques, sur la réorganisation de la dette, etc. Donc je pense que, d'autant plus vous, êtes particulièrement bien informés sur l'état de la dette. Donc sur le compte administratif, donc, nous sommes appelés à passer aux voix. Ce vote se fait sur le résultat d'exécution et donc par un vote unique. Jusqu'à présent, dans le précédent mandat, on votait par chapitre, par fonction. Le préfet de la Seine-Saint-Denis, lors d'un rendez-vous le 26 juillet 2019, nous a rappelé que c'était la procédure pour les budgets primitifs et décisions modificatives et les budgets supplémentaires, mais non pas pour les comptes administratifs. Il s'agira donc d'un vote unique sur l'ensemble du résultat d'exécution du compte administratif 2020. Donc je vais mettre aux voix ce résultat. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc il est adopté et j'invite Monsieur le maire à nous retrouver. Déclaration suivante, rapport sur les orientations budgétaires pour 2020. Olivier. Alors, une remarque d'abord, puisque M. Jamais a évoqué les problématiques qui sont posées en matière démocratique par le calendrier qui nous est imposé par l'État, et une remarque que l'on partage d'ailleurs sur le fond, mais c'est pour faire au mieux que nous avons fait le choix, par exemple, que le débat d'orientation budgétaire ait lieu aujourd'hui et le conseil municipal lors du prochain conseil municipal, alors même que l'État permettait qu'ils aient lieu lors de la même réunion de conseil à titre exceptionnel. Donc on est attaché comme vous à ce qu'on essaye autant que possible de respecter ce qu'est le fonctionnement habituel de nos instances. Sur le rapport d'orientation budgétaire, d'abord évidemment, ce budget 2020, il avait commencé à se construire sur la base d'une hypothèse qui était une hypothèse de stabilité. Et chacun a pu constater, bien entendu, qu'avec la crise du Covid, nous avons connu à Bagnolet, comme partout ailleurs en France, une très nette restriction de nos recettes, puisque la ville de Bagnolet a plusieurs types de recettes. Elle a bien sûr les recettes, on appelle les recettes des services, donc ce sont les recettes liées à la restauration scolaire, liées aux différentes activités qui sont offertes aux habitants. Il y a les recettes dites du domaine, ce sont des recettes, par exemple, des droits de voirie qui sont payés par les placiers, qui sont payés par les entreprises de chantier. Et vous avez des recettes qui sont des recettes comme la taxe de séjour, qui sont liées à une activité particulière. Et bien évidemment, d'autant plus pendant la période de confinement, mais également depuis, certaines de ces recettes ont été suspendues. Évidemment, toutes les recettes liées aux écoles et aux crèches ont été suspendues durant la période de confinement. Elles ont été fortement réduites durant la période où seule une partie des enfants étaient scolarisés. Pour ce qui est de la taxe de séjour, elle a été nulle durant la période d'activité confinement. Elle est aujourd'hui extrêmement restreinte puisque l'essentiel de l'activité tourisme sur l'Île-de-France et a fortiori à Bagnolet, ce sont des tours opérateurs étrangers hors Union européenne qui n'ont pas accès aujourd'hui aux frontières de l'Union européenne. Ce sont aussi des tours opérateurs hors France qui jusqu'à récemment étaient également interdits d'entrer dans l'Union européenne, sur le territoire français, pardon. Et puis vous avez des nuitées de business qui sont des nuitées d'activité de personnes qui viennent à Paris pour des réunions, pour des congrès, pour des colloques, et l'ensemble de ces réunions, congrès, colloques aujourd'hui ont été annulées, et on peut même penser que pour le futur il y aura peut-être une partie de ces activités qui vont basculer sur la visioconférence ou sur des activités à la journée avec peut-être des impacts à long terme sur ces recettes. Donc à la fois sur la taxe de séjour, à la fois sur ces recettes, mais aussi sur les cessions immobilières, par exemple avec les droits de mutation, la ville a connu une période de nette réduction de ses recettes. 1,3 million d'euros de perte de recettes pour ce qui est des prestations de services. Nous avons estimé un trimestre de perte à ce stade sur la taxe de séjour, soit environ 300 000 euros. Et nous avons fait l'hypothèse d'une stabilité sur les droits de mutation, considérant que les premiers éléments qui remontaient du terrain après le confinement étaient quand même à une forte reprise des activités immobilières, qui pourrait permettre, sur la période allant jusqu'à la fin de l'année, de rattraper le retard lié au confinement. Néanmoins, vous avez de l'ordre de 2 millions d'euros au total de perte de recettes pour la ville. Une commune, contrairement à l'État, a l'obligation de proposer un budget qui soit équilibré en recettes et en dépenses. Là où, pour faire face à la crise, l'État a fait le choix de recourir à l'emprunt, y compris pour financer du fonctionnement, a laissé courir sa dette, la ville de Bagnolet n'a pas la possibilité de procéder ainsi. À ces pertes de recettes, il y a des dépenses qui restent stables. Une difficulté, c'est normal, là où des entreprises ont pu avoir recours au chômage partiel, y compris pris en charge à 100%, et voire une partie de leur charge de masse salariale assumée par l'État, les collectivités locales assument 100% de leur masse salariale durant les périodes et donc l'essentiel de leurs dépenses, malgré ces pertes de recettes, reste stable. Ça a été le cas à Bagnolet. Nous avons en plus fait des choix politiques qui ont amplifié ces dépenses. Pour éviter qu'à la crise sanitaire s'adjoigne une crise sociale, nous avons fait le choix de maintenir la rémunération des agents vacataires de la ville pendant la période de confinement. C'est un choix politique parce que ce sont des agents qui sont payés en fonction du service fait. Alors, il n'y a aucun service, évidemment, durant cette période. Le maintien de leur rémunération permet de garantir le maintien de leurs ressources, mais c'est évidemment une charge de l'ordre de 200 000 euros pour la ville. Donc là aussi, il y a des conséquences dans la construction budgétaire. Comme vous le savez également, la ville a fait des choix en matière de soutien à ses habitants. Nous avons acquis pour 80 000 masques dits grand public distribués aux habitants dès le début du déconfinement. Nous avons apporté une aide aux familles qui n'avaient plus accès aux tarifs sociaux de la cantine, une aide de 110 000 euros en coût pour la ville, qui permettait à ces familles qui supportaient plus de charges, évidemment, pour l'alimentation de leur famille, de garder une qualité de vie, ou en tout cas d'être dans une situation qui soit la moins dégradée possible du fait du confinement. Et bien sûr, nous avons, comme toutes les autres collectivités, les entreprises, eu à supporter des dépenses exceptionnelles qu'on estime au de l'ordre de 250 000 euros à ce stade, pour l'équipement en masques, en gel hydroalcoolique. Ce sont évidemment des barrières plexiglas, ce sont les divers aménagements que nous avons dû amener à la fois dans les bâtiments de l'hôtel de ville et puis dans l'ensemble des autres bâtiments qui accueillent du public, en particulier les écoles. Donc ça, ce sont les éléments, je dirais, conjoncturels qui marquent particulièrement la construction budgétaire. Un autre élément particulier, M. Jamais d'ailleurs en a parlé, c'est la particularité d'être amené à voter un budget au mois de juillet 2020, c'est-à-dire alors que plus déjà de la moitié de l'année est passée. Pour l'essentiel, il s'agit donc d'un budget transitoire qui est déjà marqué par des décisions qui ont dû être prises avant même son vote et qui sera extrêmement rigide d'ici la fin de l'année, puisque les pertes de recettes limitent nos capacités à impulser dès ce stade des dépenses supplémentaires. Et en tout état de cause, il revient à la nouvelle majorité de prendre le temps aussi, et elle le fera, de transcrire ses choix politiques dans ses orientations budgétaires. Nous aurons à l'automne une décision modificative qui permettra de commencer à impulser ces politiques qui sont les nôtres, mais en tout état de cause, elles sont limitées au stade du budget primitif. Comme en 2019, le budget 2020 sera pour l'essentiel marqué en investissement par la finalisation, je l'évoquais tout à l'heure, du programme de rénovation urbaine des quartiers de Lannou et des Malassis. Pour les quartiers des Malassis, les travaux sont désormais finalisés. Il s'agissait des derniers travaux d'espace public qui ont eu lieu sur le secteur Daumier et sur le secteur d'Estienne-d'Orve. Pour le secteur Lannou, il s'agit des derniers travaux sur la dalle de Lannou côté sud et bien sûr de la livraison de la crèche et du centre de loisirs, du centre de quartier, Guy Toffoletti, qui nous est annoncé pour le mois de novembre prochain. Ce sont à nouveau près de 15 millions d'euros d'engagement. Une ville comme Bagnolet devrait avoir de l'ordre de 15 millions d'euros d'investissement. Nous avons 15 millions d'euros pour le seul programme de rénovation urbaine. Évidemment, à partir de 2021, nous basculons dans la phase numéro 2. Il y aura d'abord un transfert de cette compétence sur Est Ensemble. Et puis, nous aurons un taux de subventionnement qui passera de 30 à 70%, puisque c'est le scoring que nous avons obtenu de l'ANRU en 2016, et qui permettra d'alléger la charge de la rénovation urbaine pour la deuxième phase du mandat, et donc sur le secteur Torres et la deuxième partie du secteur de la dalle de Lannou. Je ne vais pas développer outre mesure sur le contexte national, il est largement développé dans le document qui vous a été remis. Là aussi, on essaye d'améliorer encore une fois la qualité de l'information budgétaire et comptable. Simplement pour vous dire que, comme depuis 2013 malheureusement, aux augmentations de la péréquation et de la solidarité financière, s'adjoignent des diminutions de dotation de l'État qui finalement annulent totalement cette solidarité financière. Nous sommes donc toujours sur une réduction, même si moindre qu'avant, des subventions de l'État. Et donc, de plus en plus, ce sont les recettes propres des collectivités qui sont mises en avant. Et avec la suppression de la taxe d'habitation, nous sommes de plus en plus également limité dans notre autonomie financière et fiscale, puisque seule la taxe foncière, finalement, restera comme outil de pilotage pour les collectivités. Une remarque sur la fiscalité. Nous sommes en contentieux gracieux à ce stade avec l'État sur le niveau des recettes liées à la taxe d'habitation et à la taxe foncière. Ce contentieux est lié au fait que sur la liste des nouveaux immeubles livrés depuis 2018, nous considérons que l'État n'a pas pris en compte l'ensemble des logements qui ont été livrés. Nous l'avons contesté. Les premiers échanges avec nos services ont démontré que la ville avait plutôt raison, même si on aura peut-être un entre-deux en termes de nombre de logements qui seront considérés. Mais aujourd'hui, nous avons perçu en 2019 un produit de fiscalité inférieur à ce qu'il aurait dû être, qui devra être corrigé en 2020. Et du coup, en 2020, la base fiscale qui nous a été donnée pour la construction budgétaire est insuffisante, puisqu'elle devra intégrer ces nouveaux logements. Pourquoi est-ce que c'est très important ? Parce qu'à partir de 2020, les bases fiscales sont figées pour le calcul de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation est supprimée, en tout cas en base fiscale. Et donc, c'est cette base 2020 qui servira de référentiel pour les 50, 100 prochaines années. Et donc, il est très important, évidemment, que on s'assure que l'ensemble des logements livrés sur la ville soient bien intégrés dans la base fiscale. Autrement, c'est des milliers d'euros chaque année et qui se cumulent dans le temps, qui seront perdus pour la ville. Et étant donné la situation financière de Bagnolet, évidemment, nous n'avons pas la liberté de nous en priver. Sur les efforts portés sur les services publics, donc il y a un maintien du périmètre du service public, c'est très important parce que malgré ces diminutions de recettes, on a fait le choix de maintenir les services offerts à la population, on a fait le choix de maintenir le niveau de subvention aux associations, on a fait le choix de maintenir les différentes aides qui sont offertes par la ville aux usagers. Ça implique évidemment des réductions et des manières de travailler qui sont différentes pour réaliser quelques économies. Il y a des économies, comme j'ai évoqué tout à l'heure, qui sont permises par la suppression d'événements. Je prends un exemple qui est notable et qu'on regrette tous. On a été contraints de supprimer Bajoplage cette année en raison des contraintes sanitaires. C'est une économie quand même de 177 000 euros qui est la résultante de ce choix qui, nous l'espérons, ne sera que pour cette année puisque on espère tous que l'année prochaine, on aura la liberté de le refaire. Sur les autres postes de dépenses, hormis la rénovation urbaine, nous sommes amenés à réaliser un volume de dépenses d'investissement courant. C'est essentiellement l'entretien de la voirie et l'entretien du patrimoine communal. Et bien sûr, on va être amené à la fois sur l'école Langevin et sur l'école Pêche d'Or à reprendre ces dossiers avec la nouvelle équipe municipale et la nouvelle opposition municipale pour rapidement avancer, en particulier sur l'école Langevin où il n'y a pas de blocage particulier. Les travaux de programmation sont en train de se finaliser et on pourra rapidement également basculer du coup sur la rénovation de cette école, reconstruction de l'élémentaire d'abord, puis de la maternelle avec l'école transitoire qui est située avenue de la République. Cette école qui servira ensuite pour la reconstruction, enfin la réhabilitation et reconstruction de l'école Jules Ferry, d'abord la maternelle, ensuite l'élémentaire. Et puis en parallèle, bien sûr, l'école Pêche d'Or, qui sera, en plus de son augmentation à 10 classes, adjointe d'une crèche et d'un centre de loisirs. Voilà ce que je peux vous dire sur les orientations budgétaires à ce stade. Merci Olivier. Vous avez la parole. Monsieur Jamais. Dans une collectivité, le rapport d'orientation budgétaire, c'est un document extrêmement important qui est majeur dans la vie d'une municipalité et je crois qu'un document qui doit être stratégique. Et il doit notamment permettre de dessiner la trajectoire économique de la ville. Je crois que le document que nous avons ce soir n'est pas cela. C'est le premier de votre mandat. Et je crois que c'est un des documents qui est un des plus vides et un des plus creux que nous ayons eu à examiner. Et je pense qu'il ne peut pas l'être et il ne doit pas l'être. Parce que d'abord, vous êtes en début de mandat. Il doit incarner, je crois, une volonté politique sur les 6 prochaines années. Et puis, vous l'avez évoqué, on est quand même dans un des moments les plus difficiles que la population de notre ville, mais aussi celle de notre pays et puis celle du monde a affronté. Et je crois qu'on doit aussi le faire parce que nous sommes dans une ville où la majorité municipale, le maire, doit dire ce qu'est la stratégie des entêtements de la ville, alors que celle-ci est la plus endettée de France. Votre document, il est un peu une litanie sur la situation économique, macroéconomique de la France. Voilà, vous avez donné des éléments tout à l'heure à l'oral, mais qui sont plus, à la limite, des éléments qui auraient dû d'ailleurs se retrouver dans le document, parce que c'est des éléments que nous aurions pu examiner, sur lesquels nous aurions pu intervenir, mais nous n'avons pas du tout un document qui permette de le faire. Il y a évidemment, vous venez de le dire, là aussi à l'oral, mais il n'y a aucun mot dans ce texte qui dénonce aujourd'hui le fait que l'État mène une politique contre les collectivités. Et justement, la crise que nous venons de traverser le démontre. Ce qui a tenu dans ce pays, c'est justement les collectivités locales, c'est les services publics. Et justement, les décisions qui sont prises aujourd'hui, elles vont continuer à les affaiblir, continuer à les mettre en difficulté. Et particulièrement par la suppression de la taxe d'habitation qui va couper les moyens aux communes. Ce qui manque avant tout, ce sont vos priorités. Comment faire face à la crise qui s'annonce? Quelle stratégie de désentêtement? Quelle stratégie pour financer les investissements à venir qui sont considérables? Quelle organisation de l'administration communale? Il y a quand même un truc que nous apprend le document, c'est sur la situation du personnel. On n'avait pas, dans le mandat précédent, critiqué la stratégie qui était celle de faire en sorte qu'on ait un certain nombre de recrutements de cadres, et notamment de cadres A+, si je reprends la terminologie de document. Ce qu'on voit dans les lignes qui sont écrites, c'est que nous sommes passés de 9 à 3 agents en catégorie A+, c'est-à-dire une suppression de cadres, c'est écrit dans le document. Par contre, ce qu'on constate également, c'est 37 agents supplémentaires en majorité en catégorie C. Voilà, moi je pense que ce sont aussi des éléments que nous aurons à regarder avec attention, notamment sur le compte administratif 2020, parce que je crois que cette inflation, elle se répercutera également en 2020. Je tiens à le dire, tout à l'heure, vous n'avez pas balayé d'un revers de main, mais vous avez dit que... mon intervention sur les éléments transmis au conseil municipal, je le répète, nous avons ici des élus qui sont novices, nous sommes un groupe d'opposition, pour nous, le travail sur un certain nombre de documents est bien plus facile que celle que vous avez aujourd'hui avec une administration qui est, entre guillemets, à vos ordres, 1300 agents, un cabinet, une direction générale. Quand on se réunit, on veut avoir l'ensemble des éléments qui nous permettent de nous prononcer valablement sur les documents que nous recevons. Donc c'est la raison pour laquelle, parce qu'on pense qu'il y a d'autres problèmes, moi je vais transmettre les interventions, ainsi que le mail reçu hier soir, ainsi que l'intervention que nous prononcerons tout à l'heure concernant la Chambre régionale des comptes, au préfet et également à la Chambre régionale des comptes. D'autres remarques, des observations? Olivier. Oui, juste pour deux, trois éléments de réponse. Ne prenez pas ce que j'ai dit tout à l'heure sur votre intervention pour une critique. Il s'agissait pour moi, notamment pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, puisque maintenant il y a également des gens qui nous regardent, un élément de précision sur les éléments qui manquaient dans le document. On ne donne pas l'impression que tous les éléments relatifs à la dette étaient absents des documents qu'on vous a transmis. Mais bien évidemment, et comme j'ai eu l'occasion de vous le dire tout à l'heure, j'aurais été dans votre rôle, j'aurais fait la même remarque. Et donc, elle est parfaitement légitime, il n'y a pas de difficulté. Sur ce que vous avez pu dire sur le fond, nous regrettons, comme vous, de devoir, au tout début du mandat, au regard des délais, présenter un document qui, évidemment, est dénué d'un certain nombre d'éléments qu'on aurait souhaité avoir le temps d'y mettre. Mais traduire un programme politique dans des éléments qui sont à la fois financiers, budgétaires, organisationnels, alors même que, comme pour l'opposition, la majorité de la nouvelle majorité est composée d'élus novices qui découvrent un certain nombre d'éléments sur comment fonctionne une collectivité, quelles sont les contraintes liées à l'annualisation budgétaire, liées à tout ce qui relève de l'administration. Évidemment, aujourd'hui, on est le 9 juillet. Pour que vous ayez ce document dans les temps, il a fallu que je le finalise vendredi dernier, c'est-à-dire avant même que le mandat de la précédente mandature n'expire, 5 jours après le deuxième tour des élections. Donc, effectivement, ce document est incomplet. Il est aussi complet qu'il peut l'être pour respecter les prescriptions réglementaires et légales. Il essaye d'apporter autant d'éléments qui peuvent l'être au regard des nombreuses incertitudes qui pèsent encore sur la manière dont on pourra exécuter certaines dépenses et recettes en 2020, parce qu'il va sans dire que s'il y a un nouveau confinement à l'automne, tout ce qu'on vous a indiqué sur tout ce qui est indiqué dans les documents sur certains événements qui doivent être organisés n'auront pas lieu. Et de la même manière, si aucun hôtel n'est amené à rouvrir avant le mois de décembre, l'ensemble de la taxe de séjour qui est inscrite ne sera pas réalisée. Mais ça, aujourd'hui, ni vous ni moi ne pouvons en juger. Donc il y a aussi un certain nombre d'éléments qui, exceptionnellement cette année, sont très particuliers. Mais je vous rassure, cette nouvelle majorité qui est très motivée et qui bénéficie aussi de l'énergie apportée par ses nouveaux membres va vous apporter très rapidement des éléments d'information sur notre stratégie, et pas que pour la dette, mais pour l'avenir de la ville, la manière dont on va réhabiliter l'espace public, réhabiliter les écoles, la manière dont on va assurer la transition écologique et sociale du territoire, et la manière dont on va évidemment organiser de manière pluriannuelle tous ces investissements pour vous rassurer sur notre capacité à les financer. Et nous aurons aussi des éléments à vous présenter sur la manière dont on va piloter la dette durant les 6 années à venir. Donc nous partageons en partie votre analyse, nous le regrettons comme vous, nous sommes dans un exercice très contraint, chacun le comprend bien, et donc on essaye de faire au mieux chacun dans nos rôles. D'autres remarques, des questions ? Donc nous allons passer aux voix. Qui est pour ce rapport d'orientation budgétaire ? Qui est contre, qui s'abstient, on prend acte, il y a une incertitude juridique, l'administration me demande de faire voter, donc nous faisons voter. Voilà. Mais on vote, voilà, vous êtes contre. Non, on entend. Non, mais on vote, il y a une ambiguïté sur. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Voilà, j'avais préparé le texte, mais Madame Garrido n'est pas là, j'avais préparé l'article du Code général des collectivités territoriales. Donc je vous propose de voter pour, contre ou de s'abstenir. Donc je prends note de votre vote contre. La délibération numéro 4, c'est la présentation du rapport et des actions entreprises suite aux observations de la Chambre régionale des comptes. Donc le 13 mars 2019, nous avons été amenés à débattre au sein de ce Conseil des observations définitives de la Chambre régionale des comptes pour les exercices 2012 et suivants. La procédure qui est prévu nous a amené à prendre un certain nombre de dispositions pour nous mettre en conformité avec à la fois les rappels aux droits formulés par la Chambre régionale des comptes et poursuivre ces recommandations. Donc nous avons un an pour agir de la sorte. Nous avons transmis en mars à la Chambre régionale des comptes les actions qui avaient été entreprises par la municipalité depuis la présentation du rapport. Et nous sommes amenés à vous présenter les actions entreprises, comme le prévoient les textes, au cours du premier conseil qui suit ces remarques. Donc nous sommes amenés à débattre et à discuter des actions entreprises par la municipalité suite au rapport de la CRC. Olivier, tu veux dire deux mots ? Je ne vais pas allonger les débats sur ce sujet, parce qu'on a eu un débat très riche l'année dernière sur le rapport lui-même. Simplement une remarque, ça me permet de répondre à la question posée par M. Jamet tout à l'heure sur la question des emprunts Deutsche Bank. Le problématique que nous avons avec les emprunts Deutsche Bank, qui n'est pas une problématique liée aux emprunts en eux-mêmes, mais liée à la nomenclature comptable. Ces emprunts, ils sont un remboursement in fine, c'est-à-dire que la ville emprunte sur 20 ans, elle rembourse les intérêts chaque année, elle rembourse le capital en une fois à la fin du contrat, donc à la fin des 20 ans. C'est à la ville, du coup, de gérer de manière bonne gestion la provision de ces sommes sur les différentes annuités jusqu'en 2035-2037. D'abord, je rappelle pourquoi est-ce qu'on a souscrit ces emprunts. En 2015, il y avait deux opérations à faire. Il y avait l'annulation des recettes insincères des budgets 2012 et 2013 qu'il fallait annuler et remplacer, et notamment pour pouvoir ensuite financer certaines des dépenses et des factures impayées qui correspondaient en particulier aux 7 millions d'euros non payés pour l'hôtel de ville dans lequel on se trouve et aux 1 800 000 euros non payés pour l'école Joliot-Curie. La seule banque en Europe qui a accepté la demande de prêt de la ville de Bagnolet, c'est la Deutsche Bank. C'est un prêt obligataire en euros, parfaitement réglementaire, parfaitement légal, et c'est un prêt à taux fixe. Donc c'est pas un emprunt toxique, c'est un prêt à taux fixe. C'est un prêt à un taux qui est un taux faible, qui était plus faible à l'époque que le taux moyen du marché, donc c'était plutôt un bon prêt. Mais effectivement, il y a cette contrainte de la provision sur 20 ans pour pouvoir rembourser. La difficulté, c'est que quand vous provisionnez dans le temps, au niveau du budget de la ville, ça apparaît comme excédent. Et donc, rien ne vous garantit qu'un autre maire, une autre majorité, dans 6 ans, dans 12 ans, dans 18 ans, ne décidera pas d'utiliser ces sommes d'excédent pour financer autre chose. Et dans ce cas-là, effectivement, à l'issue de la période, la ville se retrouverait en difficulté pour faire face à cette obligation de remboursement. Donc nous avons demandé, il y a 18 mois, au préfet, au directeur départemental des finances publiques, la possibilité de pouvoir mettre en séquestre les sommes correspondant au remboursement de ces emprunts sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations. Ce qui garantit dans le temps, non seulement qu'effectivement chaque année la ville mette au pot pour assurer la capacité à rembourser cette somme à la fin, mais qu'en plus, nul responsable politique dans le futur sur cette période ne pourra utiliser ces sommes à d'autres effets que le remboursement de ce capital. C'est une sécurité pour la ville. C'est une sécurité pour, évidemment, les contribuables futurs. Et depuis 18 mois, malgré nos nombreuses relances, nous attendons toujours une réponse de l'État, qu'il s'agisse de nous dire oui ou non sur cette solution, d'en trouver une qui permette, au regard de la nomenclature comptable actuelle, de solutionner ce problème. Et il n'y a pas de solution à ce problème à ce stade. On le regrette. On va, évidemment, dans ce nouveau mandat, commencer par relancer à nouveau l'État, à la fois sur les problèmes de produit fiscal que j'évoquais tout à l'heure et sur cette question. Je veux bien que chacun comprenne que, sur ce point-là, la ville cherche des solutions et l'État l'a abandonné à ce stade. Voilà. Ça, c'est la seule pression que je souhaitais apporter. Pour le reste, on a eu longuement le débat. Et bien sûr, si vous avez des questions liées aux recommandations mises en œuvre, j'y répondrai avec plaisir. Vous avez la parole. Madame Laurence. Bonsoir. Je serai obligée de partir et de quitter le conseil municipal prématurément. Je m'en excuse auprès des membres du conseil municipal par avance. Concernant le rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes, il ne constitue que le rappel des règles de gestion honorable d'une collectivité et invite tout simplement au respect de la loi, c'est-à-dire au règlement d'organisation et de transparence de la direction des finances, avec bien sûr le refus de la cavalerie budgétaire. En ce sens, procéder au rattachement des charges à l'exercice duquel elles se rapportent est une manière polie de demander à la collectivité de Bagnolet d'arrêter de cacher les factures sous le tapis. Procéder à une inscription sincère est encore une manière élégante de rappeler que tous les budgets de ces dernières années sont insincères. Et apurer les soldes des comptes, c'est encore un signal pour stopper la cavalerie budgétaire. Puis procéder à l'inscription des commissions relatives aux emprunts de la Deutsche Bank et à une mise en réserve du remboursement, vous venez d'en parler. Effectivement, la mairie a souscrit en 2016 à 3 emprunts illégaux auprès de d'une banque étrangère, sans rien préciser de la provision, à part ce soir une mention effectivement sur l'attente d'une réponse de la Caisse des dépôts. On renvoie à Mathusalem et surtout au service extérieur à la ville de Bagnolet. Et oui, extérieur, c'est jamais vous en fait. Vous, comme dans votre habitude, vous n'êtes responsable de rien, ni du non-respect du droit de la commande publique, ni du non-respect des règles de gestion du personnel, avec une surabondance d'emplois contractuels, alors même que le respect de la durée légale du travail n'est pas respecté, comme le souligne la Chambre régionale des comptes. Le rapport se conclut par le rappel au droit numéro 13 sur la demande de mettre fin aux mises à disposition gracieuses d'agents communaux à des associations. Une association est citée. Cette aide par des agents communaux est assez exclusive et incompréhensible au regard non seulement du droit, mais aussi de la justice, tout simplement. Donc, après 6 ans de mandat, nous prenons acte du fait que le maire et son adjoint aux finances vont tenter de respecter enfin le droit et mettre en place un service des finances et de la commande publique digne de ce nom. Nous y serons particulièrement vigilants, bien entendu. Je vais dire 2 mots, Madame Laurence, à vos observations. Vous évoquez la mise à disposition d'agents à des clubs sportifs. Et vous dites qu'on va essayer... Non, mais je prends votre... Madame Laurence, je ne vous ai pas interrompu. Ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Donc, je rappelle que nous, collectivement, avons mis fin à la mise à disposition d'agents aux associations sportives, mise à disposition qui existait depuis de longues années. C'est personne d'autre, c'est nous qui avons mis fin. Voilà. Ça, faudra le dire à la Cour régionale des comptes. Mais c'est ce qu'on lui a dit, c'est ce qu'on lui écrit, Madame Laurence. Je pense que vous avez mal lu le document. Je vous invite à relire le document. Donc aujourd'hui, il n'y a plus d'agent. Madame Laurence, je ne vous ai pas interrompu, je vous en prie. Il n'y a plus d'agent mis à disposition d'associations sportives. Il n'y a plus d'agent mis à disposition du Trop Prank Bagnolet, il n'y a plus d'agents mis à disposition du Boxing Club de Bagnolet, il n'y a plus d'agents mis à disposition de l'Association des Jeunes de Lanoue, il n'y a plus d'agents mis à disposition des autres clubs de football. Aujourd'hui, tous les agents de la ville ont réintégré leur poste. Et les agents, je pense par exemple à un champion du monde de boxe qui exerce au Top Rank, les agents qui souhaitaient poursuivre leur carrière professionnelle sont aujourd'hui en disponibilité. Vous savez sans doute que Nordine Oubali est champion du monde professionnel de boxe. Il est licencié au Top Rank et il est en disponibilité à la ville de Bagnolet, ce qui n'était pas le cas avant. Donc nous nous sommes mis en conformité avec les textes. Vous parlez de budget insincère. Je pense que vous avez mal interprété ce qu'a dit Olivier tout à l'heure sur ce que nous avons été amenés à faire lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités. Il a fallu payer cet hôtel de ville qui avait été livré en novembre 2013. Nous avons fini de payer cet hôtel de ville en 2015. Nous avons fini de payer le groupe scolaire Joliot-Curie qui avait été livré en 2011, en 2016. Puisque lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités, l'entreprise urbaine de travaux nous a réclamé la modique somme d'environ 7 millions d'euros. Urbaine de travaux qui avait réalisé les travaux à Joliot-Curie et à l'hôtel de ville. Donc il a fallu finir de les payer. Par ailleurs, Olivier vous l'a expliqué, mais visiblement vous n'avez pas intégré cet élément-là, c'est qu'à un moment donné, il a bien fallu désinscrire la vente votée par ce conseil municipal sous un précédent mandat, la vente du gymnase Jean-Renaud et Politzer. Donc c'est notre municipalité qui a annulé la vente de 7 millions d'euros. Et là, effectivement, il y avait 7 millions d'euros de recettes fictives dans le budget de la ville qu'il a bien fallu, à un moment donné, gérer. Vous parlez de la durée du travail. Vous avez raison, l'administration travaille à cette question de la durée du travail. Si vous élargissiez l'examen de ce sujet, vous pourriez vous renseigner et vérifier que c'est une remarque que la Chambre régionale des comptes fait à toutes les collectivités territoriales de gauche de Seine-Saint-Denis. Parce qu'il y a un héritage en Seine-Saint-Denis sur la question notamment des congés des agents. Et qu'effectivement, à un moment donné, il y a des villes où la durée du travail ne respecte pas le cadre qui est fixé par l'État. Et toutes les villes de gauche, de Seine-Saint-Denis, se prennent ce type de remarques. Enfin, sur les emprunts Schuldschein, si c'était si facile de régler le sujet, croyez-moi, on l'aurait déjà réglé. On a vu 2 ministres et secrétaires d'État, on a vu le préfet, on a sollicité le directeur général des finances publiques d'Île-de-France, celui de Seine-Saint-Denis, et on n'a toujours pas trouvé la solution. Pourtant, c'est pas compliqué. La ville de Tourcoing a souscrit par le passé ce type d'emprunt. Donc, nous expliquons régulièrement aux services de l'État, aux autorités, qu'il y a un certain nombre d'exemples de collectivités publiques qui ont souscrit ce type d'emprunt et qui nous permettraient de pouvoir trouver une solution. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Les services de l'État se renvoient la balle entre Bercy et la Seine-Saint-Denis et nous faisons en sorte de trouver une solution sur ce sujet. Olivier. Que chacun comprenne bien, le rapport de la Chambre régionale des comptes, il n'est pas là pour distribuer les bons points et les mauvais points aux uns et aux autres. Il porte sur une période qui est la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017. De ce fait, il porte également sur la fin du mandat de Marc Everbeck, comme sur la première moitié du mandat d'Imartino. Les magistrats de la Chambre des comptes ne sont pas là pour dire « Everbeck, c'était pas bien, Imartino, c'est mieux », ou l'inverse. Ils sont là pour dire que sur tel exercice, il y a des problèmes, sur tel domaine, il y a des problèmes, et ils ne font pas un retraçage en disant « oui, mais c'est plutôt l'un, plutôt l'autre ». Ils ne sont pas là pour ça. Si, parce que quand vous dites que nos budgets sont insincères, oui, dans le rapport de la Chambre régionale des comptes, il y a des budgets insincères, mais ce sont les budgets 2012 et 2013. Pas les nôtres. Donc, si vous voulez, pourquoi ils étaient insincères? Parce que dans la section d'investissement, il y avait 12 millions d'euros de recettes qui étaient inscrites, qui correspondaient à la vente des gymnases Jean Renaud et Politzer pour 7 millions d'euros et à la vente du terrain du 144 avenue Gambetta pour 5 millions d'euros. Ces opérations n'ont pas eu lieu, pour celles des gymnases parce qu'elles ont été annulées par le tribunal administratif, pour celles de l'avenue Gambetta parce qu'elles n'avaient pas été réalisées tout court. Le problème, c'est que quand dans un budget vous mettez 12 millions d'un côté, vous mettez en face 12 millions parce que, comme je l'évoquais tout à l'heure, un budget dans une collectivité, il est équilibré en recettes et en dépenses. Et donc, la ville a bien dépensé 12 millions d'euros, mais elle n'a pas rentré 12 millions de recettes. Et donc, en 2014, on se retrouve avec une ville où il y a un trou dans la caisse de 12 millions d'euros. Et donc, ces 12 millions d'euros de recettes, comme ils sont sur un volume aussi important par rapport au budget de la ville, ils placent le budget de la ville dans ce qu'on appelle un déséquilibre réel, c'est-à-dire que la ville est structurellement déficitaire au-delà des seuils d'alerte. Et si l'élection municipale n'avait pas eu lieu en 2014, mais en 2015, la ville aurait été placée sous tutelle en 2014, au regard de la situation du budget 2013. Donc c'est seulement l'élection municipale qui a empêché ça, parce qu'il y a une espèce de gentleman agreement qui fait qu'en période électorale, l'État évite autant que possible d'intervenir de manière à ce que ça puisse fausser le résultat d'une élection. Donc, nous avons dû, parce qu'il fallait régler ça très très vite, dès l'année 2014, souscrire les fameux emprunts Schuldschein dont on parlait, qui ont permis donc de supprimer 12 millions de recettes qui n'existaient pas et de les remplacer par 12 millions de recettes qui existaient, ce qui a ramené les choses dans un équilibre. Et effectivement, il restait beaucoup de cavalerie, puisque toutes ces dépenses qui avaient été engagées, il n'y avait pas d'argent pour payer les factures. Et donc, vous aviez 17 millions d'euros de factures qui se baladaient. En 2014, dans une des premières réunions, on m'a donné un document qui faisait 950 lignes Excel, qui correspondait à toutes les factures impayées. Et encore, ces 950 lignes, ça correspondait pas une par facture, hein, c'est une par prestation non payée. Et on a mis quasiment 4 ans, jusqu'en 2018, pour payer ces factures. Tout ça, ça correspond à un mandat qui n'était pas le nôtre. On l'assume. On est comptable, lorsqu'on gère une collectivité, des choix de nos prédécesseurs. Donc on a fait le travail d'appurement. Mais à un moment donné, autant on est prêt à assumer qu'éventuellement on ne l'a pas suffisamment bien fait ou pas fait assez vite, on peut en débattre. Mais il ne faut pas nous faire supporter à nous des choix et des responsabilités qui ne sont pas les nôtres. Et j'ajouterais que, puisque c'était un rapport 2012-2017, il y aura évidemment un rapport 2018-2023. Et que ce rapport 2018-2023, qui arrivera à mi-mandat, sera un rapport 100% d'Imartino. Et à ce moment-là, on pourra débattre vraiment de choix qui sont 100% notre responsabilité. Et je pense que pour la loyauté des débats, on peut débattre de la manière dont on a fait les choses, des choix qu'on a faits pour régler les problèmes, mais nous imputer des causes, des situations dont nous ne sommes pas la cause, je trouve que c'est pas tout à fait dans l'esprit que vous évoquiez tout à l'heure. D'autres remarques ? Écoutez, je vous propose de prendre acte de la présentation de ce document. Délibération suivante, délégation d'attribution du conseil municipal au maire en application de l'article 21-22 du Code général des collectivités territoriales. Est-ce que vous avez des observations à ce sujet ? Pas d'observation, je vous propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Désignation des membres des commissions municipales. Donc je rappelle que les commissions municipales sont au nombre de 3. Elles sont composées à la proportionnelle des groupes et que le maire est président de droit des commissions, que des vice-présidents en assument de fait la présidence et que l'opposition municipale assume la vice-présidence de la commission des finances et des moyens généraux. Olivier, tu avances sur les noms pour ce qui nous concerne. Et... Oui, donc je vais annoncer... les noms pour ce qui est des élus de la majorité municipale. Donc pour la commission des finances et des moyens généraux, Olivier Taravella, Brahim Akrour, Hamid Cher, Daouda Keïta, Émilie Trigot, Édouard de Noël, Yasmina Sadoud, Shawki Haddad, Ndaye Mariam Diop et Djonji Biro. Oui. Pour votre groupe. Je peux me tromper sur les noms que j'ai vous donnés, mais je passe sous le contrôle de mes amis. Pierre Vionnet, Laurent Jamais, Claire Laurence. Commission suivante. Commission attractivité, développement du territoire et cadre de vie. Cédric Pape, Hissène Ounissi, Anne Gerval, Manon Chrétien, Mahamadou Silla, Abdelkrim Karmaoui, Anne de Rugy, Frédéric Gabin, Jean-Claude Oliva et Edith Félix. Sébastien Stalins, Raquel Garrido. Merci. Commission suivante. Citoyenneté et solidarité, Elham Cher, Mélan Georges, Karamoko Sissoko, Kaline Turbich, Yalana Dino, Grégoire Daniel de la Gannerie, Brigitte de la Perelle, Zora Kelly, Vassindou Cissé, et Valérie Bille. Angéline Desbordes et Mohamed Jenan. C'est noté. Je vous propose de passer aux voix. Pardon ? Il en manque un ? Il en manque un ? Oui, très bien. Alors, ça vous l'aurez deux fois. Je défends vos droits. Donc, je vous propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Commission d'appel d'offres. Donc, même exercice, représentation proportionnelle, un poste de membre titulaire et un poste de membre suppléant pour l'opposition municipale. Olivier. Donc, commission d'appel d'offres, représentant le maire, Olivier Taravella, président. Titulaire, Mahamadou Silla, suppléante, Elham Cher. Titulaire, Hissène Ounissi, suppléante, Hamid Cher. Titulaire, Shawki Haddad, suppléant, Édouard de Noël. Titulaire, Edith Félix, suppléante, Djonji Biro. Sébastien Stalins, titulaire, suppléant, Laurent Jamais. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 8, commission de délégation de services publics. Même exercice. Même composition pour la majorité municipale. Donc, Olivier Taravella, président. Mamadou Silla, Hissène Ounissi, Shawki Haddad, titulaire. Edith Félix, titulaire. Elham Cher, Hamid Cher, Édouard de Noël, Djonji Biro, suppléant. Alors, on avait bien travaillé, mais on a oublié les suppléants. Mais je vais en donner quelques-uns. Et puis, si jamais je fais une erreur, là aussi, vous me rattrapez. Angéline Desbordes-Silly, titulaire. Raquel Garrido, suppléante. Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 9, commission consultative des services publics locaux. Désignation des membres. Olivier. Donc, CCSPL, Olivier Taravella, président représentant le maire. Brahim Akrour, titulaire. Kaline Turbich, suppléante. Émilie Trigot, titulaire. Anne Gerval, suppléante. Grégoire Daniel de la Gannerie, titulaire. Brigitte de la Perelle, suppléante. Jean-Claude Oliva, titulaire. Valérie Bille, suppléante. Angéline Desbantili, titulaire, Mohamed Jenan, suppléant. Je propose de passer aux voix. Qui est pour ? Oui, à la liste des associations. Vas-y, Olivier. On n'a pas. Vous avez la liste des associations. Bon, je propose de passer à la délibération suivante. On doit vous communiquer la liste des associations membres de cette commission. Donc, nous y revenons tout à l'heure. Composition du conseil d'administration du CCAS. Même exercice à la proportionnelle des groupes. Olivier. Donc, Elam Cher, Grégoire Daniel de la Gannerie, Brigitte de la Perelle, Yalana Dino, Vassindou Cissé. Mohamed Jenan et Sébastien Stalins, suppléants. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 12, désignation des membres de la commission municipale, sélection des offres de logement. Il n'y a pas la caisse des écoles avant ? Ah, j'ai zappé la caisse des écoles. Ouais. Ah, pardon. Délibération 11, désignation des représentants du conseil municipal au sein de la caisse des écoles. 3 représentants titulaires, 3 représentants suppléants, 2 pour la majorité, 1 pour l'opposition. Olivier. Elam Cher, titulaire, Manon Chrétien, suppléante, Frédéric Gabin, titulaire, Mariam Ndeye Mariam Diop, suppléante. Angéline Desbordsi, titulaire, Raquel Garrido, suppléante. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé, je vous remercie. Délibération 12, désignation des membres de la commission municipale, sélection des offres de logement. Donc 9 représentants du conseil municipal, 7 pour la majorité, 2 pour l'opposition. Olivier. Donc Mamadou Sylla, Émilie Trigot, Hamid Cher, Choké Haddad, Brigitte de la Perelle, Vassindou Cissé, Valérie Bille. Et je rappelle qu'il y aura également un membre de la CNL, un membre de la CLCV et 2 habitants tirés au sort. Solène Lebouris et Raquel Garrido. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Donc je reviens à la CCSPL. Donc les représentants des associations sont constitués de 5 représentants. Consommation, logement, cadre de vie, CLCV, Confédération nationale du logement, CNL, Coordination Île-de-France, Union locale de la CGT, Fédération des conseils de parents d'élèves de Bagnolet. Voilà. Donc, qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération 13, désignation des membres de la commission municipale, attribution des subventions aux associations. 9 représentants, 7 pour la majorité, 2 pour l'opposition. Olivier. Olivier Taravella, Merlan Georges, Karamoko Sissoko, Choki Haddad, Yasmina Sadoud, Vassindou Cissé, Djondji Birou. Solène Lebouris et Claire Laurence. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Je vous remercie. Délibération 14, établissement public territorial Est Ensemble, commission locale d'évaluation des charges transférées, désignation d'un représentant titulaire est un représentant suppléant pour la ville de Bagnolet. Donc, je me propose comme titulaire et Olivier Taravella comme suppléant. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération 15, même exercice pour la CLECT de la métropole du Grand Paris. Même proposition. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Nous arrivons ensuite à la désignation des représentants du conseil municipal au sein des comités syndicaux des syndicats intercommunaux. Olivier Taravella. D'abord, pour le sujet de MAPA, donc il s'agit de la structure de gestion de l'EHPAD des quatre saisons. Donc, Yalana Dino, titulaire, Merlane Georges, suppléante, Grégoire Daniel de la Gannerie, titulaire, Abdelkrim Karmaoui, suppléant, Daouda Keïta, titulaire, Karamoko Sissoko, suppléant, Brahima Krour, titulaire, Manon Chrétien, suppléante, Vassindou Sissé, titulaire, Valérie Bille, suppléante. Donc Mohamed Jenan, titulaire, Raquel Garrido, suppléante. Donc qui est pour, qui est contre, qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 17, désignation des représentants du conseil municipal dans les conseils d'école des établissements scolaires publics du premier degré. On a... Donc si... C'est dans la même délibre. Ah mais vas-y, présente dans la même délibre, dans la délibération précédente. SIGEC MAPAD. Donc SIGEF, syndicat intercommunal gaz et électricité, donc Édouard de Noël, titulaire, Jean-Claude Oliva, suppléant. Le CIPEREC, pour la distribution d'électricité, il était comme Daouda Keïta, titulaire, Frédéric Gabin, suppléant. Le SIRP, la maison de retraite, la Seigneurie de Pantin, Yalana Dino, titulaire, et Brigitte de la Perelle, titulaire. Le CIFUREP, syndicat intercommunal funéraire, Brahima Krour, titulaire, Edith Félix, suppléante. C'est bon. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Donc, désignation des représentants du conseil municipal dans les conseils d'école du premier degré. Olivier. Alors, école maternelle, La Capsulerie, Elam Cher. École maternelle, Francine Fromont, Grégoire Daniel de la Gannerie. École maternelle, Henri Barbus, Yasmina Sadoud. École maternelle, Henri Vallon, Émilie Trigaud. École maternelle, Jean Jaurès, Valérie Bille. École maternelle, Joliot-Curie, Kaline Turbitsch. École maternelle, Jules Ferry, Frédéric Gabin. École maternelle, Paul Langevin, Manon Chrétien. École maternelle, Pêche d'Or, Brahima Krour. École maternelle, Travail, Édouard de Noël. École élémentaire, Eugénie Coton, Cédric Pape. École élémentaire, Henri Barbus, Ndeye Mariam Diop. École élémentaire, Paul Vaillant-Couturier, Anne Gerval. École élémentaire, Henri Vallon, Anne de Rugy. École élémentaire, Jean Jaurès, Karamoko Sissoko. École élémentaire, Joliot-Curie, John Jibiro. École élémentaire, Jules Ferry, Hissène Ounissi. École élémentaire, Jules Verne, Vassindou Sissé. École élémentaire, Paul Langevin, Chauki Haddad. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération 18, désignation des représentants du conseil municipal au sein des conseils d'administration des établissements scolaires du second degré. Donc il s'agit de désigner un représentant titulaire et un suppléant au collège Travail, au collège Politzer et au lycée Eugène Hénaff. Olivier. Collège Travail, Frédéric Gabin, titulaire, Merlane Georges, suppléante. Collège Politzer, Yalana Dino, titulaire, Edith Félix, suppléante. Lycée Hénaff, Valérie Bille, titulaire, Édouard de Noël, suppléant. Qui est pour cette délibération ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Elle est approuvée. Délibération 19, désignation des représentants de la ville au sein du conseil d'administration de l'association ALEC MVE. Édouard de Noël, titulaire, Jean-Claude Oliva, suppléant. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 20, désignation du représentant du conseil municipal au sein de la commission d'admission au mode d'accueil, la CAMA. Olivier. Zora Kelly. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, désignation d'un représentant du conseil municipal au sein du conseil d'administration du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil. Le bien nommé Grégoire Daniel de la Gannerie. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante. Conseil d'administration de l'établissement public foncier d'Île-de-France, représentant des communes. Cédric Pape. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui qui s'abstient. C'est approuvé. Délibération 23, désignation d'un représentant du conseil municipal interlocuteur du ministère de la Défense. Émilie Trigo. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération suivante, désignation du représentant de la commune au sein du comité stratégique de la Société du Grand Paris. Édith Félix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Délibération 25, désignation des représentants de la commune au comité syndical du Forum métropolitain du Grand Paris. Anne Gerval, titulaire. Anne de Rugy, suppléante. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Enfin, les frais de représentation du maire. Est-ce que vous avez des observations ? Madame Silly ? Oui, quelques mots sur ces frais de représentation. Alors, on ne va pas s'attarder sur le montant proposé, qui est dans la moyenne de ce qui est alloué habituellement dans les villes de même strate, même si compte tenu du contexte financier qu'on vient de, d'évoquer, un effort supplémentaire aurait pu être consenti. En revanche, on voulait attirer votre attention sur la valeur symbolique que représente cette enveloppe, qui est un avantage supplémentaire accordé aux élus, sans contrôle et trop souvent encore en toute opacité. Alors, vous avez, me semble-t-il, par le passé engagé contre votre prédécesseur des poursuites relatives à l'emploi de ces frais de représentation, sans vous-même, monsieur le maire, vous soumettre à l'exigence de transparence lors de la dernière mandature. L'utilisation de ces frais de représentation doit donner lieu à un strict encadrement et à la plus parfaite transparence. Elle exige par conséquent l'établissement d'un référentiel de dépenses autorisées au titre des frais de représentation. Quelles sont les principales catégories de dépenses acceptées ? L'obligation de présentation de justificatifs pour chaque dépense engagée au titre des frais de représentation et la publication en ligne des dépenses engagées au titre des frais de représentation sous forme d'un fichier exploitable librement. J'indique que ces préconisations ne sont pas de nous, mais c'est Transparency International France qui les formule. Vous devez probablement en avoir eu connaissance. Alors, les citoyens doivent pouvoir connaître précisément la nature des frais engagés. Nous avons un devoir de transparence de l'utilisation de l'argent public, d'exemplarité, d'intégrité et de probité. Probité qui, je vous le rappelle, figure en première ligne de la charte de l'élu que nous avons adoptée la semaine dernière dans cette même enceinte. Nous vous demandons donc par conséquent de mettre en place les mécanismes de contrôle citoyen qu'on a énoncé, que je viens d'énoncer précédemment. C'est un devoir déontologique, mais c'est surtout une exigence démocratique compte tenu de la défiance de nos concitoyens vis-à-vis du personnel politique et à Bagnolet tout particulièrement, puisque 63% de nos concitoyens se sont abstenus le 28 juin. Donc en l'absence de garanties présentées ce soir, nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie. Madame Silly, je vais vous inviter à participer à un groupe de travail avec un représentant de chaque groupe de la majorité pour définir l'encadrement d'utilisation de ces frais de représentation. Et vous serez la bienvenue au sein de ce groupe de travail. Je vous remercie. Donc, je vais passer aux voix. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est approuvé. Enfin, nous avons un vœu qui est présenté par la majorité municipale et qui va l'être par Édouard de Noël. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Vous avez normalement reçu le vœu sur table. C'est un vœu qui a été initié par Bagnolet en commun, mais qui est porté par l'ensemble de la majorité municipale et qui est là pour démontrer nos ambitions pour le mandat qui vient. Parce que à Bagnolet comme ailleurs partout dans le monde, l'urgence climatique est forte et elle doit être décrétée par notre conseil municipal. Il y a à peu près une centaine de communes qui l'ont fait à la fin 2019. C'est les communes qu'on appelle du C40, donc de grandes villes à travers le monde, Paris, Los Angeles notamment. Et puis plus récemment, vous l'avez vu, à la faveur d'installations de conseils municipaux à Strasbourg, à Bordeaux, la même urgence climatique a été décrétée. Dans ce vœu, nous inscrivons la dynamique que nous souhaitons imprimer, le cap et le programme ambitieux qui a été adopté par les Bagnoletaises et les Bagnoletais en la matière. Je pense au plan climat pour la ville, je pense à la réduction des émissions carbone, à la végétalisation, au moratoire sur la promotion immobilière privée, ou encore à l'amélioration de la restauration dans les cantines scolaires avec l'objectif d'arriver à instaurer l'alternative végétarienne. J'en profite pour faire une petite incise sur le fameux abattage de l'arbre que vous avez mentionné. C'est important effectivement que les citoyens soient vigilants, se constituent même en groupes locaux pour défendre leurs arbres, mais surtout que la municipalité effectivement travaille sur la charte de l'arbre, sur l'identification des arbres remarquables, protège, compense et sanctionne quand il y a des abus. Ça, c'est pour la partie urgence écologique. Mais à Bagnolet, comme ailleurs en France, et singulièrement à Bagnolet, ville populaire, c'est l'urgence sociale aussi qui doit être décrétée. Les problèmes d'emploi, de logement, de soins qu'on connaissait déjà nombreux avant la crise sanitaire, ils vont s'amplifier avec la crise économique qui vient. Et le programme social sur lequel nous nous sommes mis d'accord au deuxième tour avec la majorité, il est là pour répondre à ces éléments de crise. Je pense à l'encadrement des loyers privés, je pense à la mise en place de la mutuelle communale si attendue. Je pense aussi à la refonte des tarifs périscolaires au bénéfice des familles populaires. Donc nous formons le vœu que le Conseil décrète à la fois l'urgence climatique et l'urgence sociale. C'est les deux jambes sur lesquelles nous allons marcher pendant ce mandat. Ensemble, majorité et opposition, programme ambitieux à mettre en œuvre et que les citoyens nous regardent. Voilà, je vous remercie. Merci. Des remarques, Monsieur Jamais. Elle est de droit. Week-end où ils ont interdit de venir. dernière, évidemment, et en particulier l'état d'urgence climatique et sociale. C'est le sens et l'engagement de notre liste. Bon, par conséquent, nous soutenons, mais par contre avec une réserve, parce que nous jugerons évidemment sur les actes, puisqu'aujourd'hui quand même, hier, l'abattage d'un arbre, malgré vos préconisations, recommandations, nous surprend et il nous a troublé légèrement. Donc voilà, puis la notion de mandat qui vous est conféré à la fin, pour cette raison, nous, évidemment, nous ne voterons pas contre, mais nous nous abstiendrons. Donc je vous propose de passer aux voix. Qui est pour l'adoption de ce vœu? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est approuvé. Donc rendez-vous le 23 juillet. Bonne fin de soirée. Pardon ? La photo. Et oui, à la photo de groupe. N'oubliez pas la photo de groupe. Guillaume Mison est par là. Thank you.